Bonjour, vous êtes sur le 895 de Dio. C'est le deuxième dimanche du mois. Il est 20h30. Comme disait le camarade de Lokiriel, c'est un véritable plaisir de pouvoir écouter enfin avec des super enceintes. Alors, apprêtez-vous à décoller. Je m'appelle Chris et je suis la voix de Synthé. Synthé, l'émission qui vous fait voyager sans jamais quitter votre quartier. Votre quartier. Merci Gabriel pour ce jingle. Il aura le privilège de nous les faire en direct ce soir. Et pour cette troisième émission, nous allons particulièrement voyager et dans le temps et surtout tout autour du globe. Nigeria, Syrie, Mali, Pakistan, Côte d'Ivoire, Mexique, Turquie, Hawaï, Jamaïque. La musique est le premier langage universel. Étant batteur, j'ai passé plus de temps en salle de répète à bosser les enchaînements couplets-refrains plutôt qu'à voyager. Et j'ai tellement peu voyagé que je me retrouve à faire cette émission juste au-dessus de la cour de mon école maternelle. Hasard de la vie, pas si sûr que ça, plutôt clin d'œil ou revanche. Cette cour de récréation avec ce mur que je voyais immense à l'époque et duquel j'avais peur de sauter. Un seul avait osé, Alexis, et il a été le king of the school de la primaire jusqu'au lycée. Toute ma vie s'est jouée à un muret de quelques centimètres. Mais aujourd'hui, tout a changé. J'ai trouvé ma voix et je suis la voix de cette émission. Mais surtout, la musique, en particulier la musique psychédélique, m'a permis de voyager, de m'évader et au final, de me trouver. Ma machine à voyager dans le temps, au pays des claviers, est écolo. Mon bilan carbone ferait rougir de honte un Lagardère ou un Bernard Arnault. Elle fonctionne avec un carburant spécial, le Chronolyse. Ce disque de Richard Pignas, pionnier de l'électro française, sorti en 1978 sur le label Cobra. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente émission, je suis allé voir Orange Blossom au fil. Ce groupe français aux origines diverses et variées nous vient de Nantes. Il voit le jour en 1993, autour de la rencontre entre Carlos Robles Arenas, batteur mexicain, le percussionniste ivoirien Fatoma Dembélé et le violoniste Pierre-Jean Chabot. Leur nom est une référence à la chanson Orange Blossom Special du groupe The Spotniks, sorti en 1961. Au départ, ce groupe de pop new wave, fan de Joy Division et des Tindersticks, évolue au fil des années et des changements de chanteuse vers un style mêlant trip-hop et world music. En 2005, repéré par Robert Plant, chanteur de Led Zeppelin, ils assurent sa première partie britannique. En 2014, le groupe trouve sa forme quasi actuelle. Razim Biyikli, claviériste, et Sylvain Corbard rejoignent le groupe. Dernière pièce du puzzle, Maria Hassan, chanteuse syrienne, les rejoint pour leur dernier disque. Leur quatrième album studio, sorti le 15 mars 2024, Spells from the Drakkan Sirens. Alors, nous allons nous servir un bon verre de vin ou de bière artisanale, allumer de l'encens, se rouler une clope ou plus, si affinité. Et comme dans le film Sirat, danser en plein désert, au son de Noual Hammam d'Orange Blossom. Noual Hammam Nous allons nous intéresser pour le morceau suivant à un autre batteur qui, lui, nous vient du Nigeria. Un batteur, me direz-vous, pour une émission axée sur les claviers, plutôt bizarre. Pas tant que ça, en fait. En effet, ils ont l'avantage d'explorer mélodie et harmonie, mais aussi d'appuyer une rythmique hypnotique. Comme le disait Brian Eno, le batteur en question n'est autre que le meilleur batteur qui ait jamais vécu, Tony Allen. Pionnier de l'afrobeat, il était l'ami, le batteur et le directeur artistique de Fela Kuti. Tout en continuant ses albums solo, il est appelé par de nombreux musiciens pour de multiples collaborations. C'est lui qui, par exemple, joue sur Ritournelle de Sébastien Tellier. On le retrouve également avec Damon Albarn, chanteur de Blur et Gorillaz. En 2006, ils seront rejoints tous deux par le bassiste des Clash, Paul Simonon, pour former le groupe The Good, The Bad and The Queen. Le 20 octobre 2014 sort son 12e album studio, Time of Life, sur lequel figure le magnifique morceau que nous allons écouter. Go back. What am I gonna do with you? Lors de ma précédente rubrique « La sortie du mois », je vous ai parlé de Gilles Scott Heron, père fondateur du Spoken Word. Ce poète, comme la plupart des poètes, a une vie particulière et mouvementée. Né le 1er avril 1949 à Chicago, d'une mère bibliothécaire et d'un père footballeur, au divorce de ses parents, il est élevé par sa grand-mère, Lily Scott, dans le quartier noir de Jacksonville, Tennessee, à l'époque de la ségrégation raciale. Il déménage dans le Bronx pour y faire des études de lettres. Il arrête ses études, vit de petits boulots. Il se consacre entièrement à l'écriture de ses romans. Il rencontre le musicien Brian Jackson en 1969. Ils se mettent alors à composer ensemble. Sur l'album Piece of a Man, entouré de musiciens de jazz, il sortira son œuvre The Revolution Will Not Be Televised sur le label Flying Dutchman. Dans les années 80, il s'insurge contre la politique conservatrice de Ronald Reagan. Dans les années 90, il devient une référence de la culture afro-américaine pour les rappeurs. Divorce, alcool et drogue jalonneront son parcours. En 2010, après de multiples passages en prison, il sort son dernier album, I'm New Here, produit par Richard Russell. Il meurt un an plus tard du sida à l'hôpital des pauvres de Saint-Luc, à New York. Nous écoutons l'un de ses morceaux les plus magnifiquement sombres, Me and the Devil. Down by the highway side. I don't really care where you Synthé. L'émission qui vous fait voyager sans jamais quitter votre quartier. Votre quartier. Nous nous envolons pour le Mali afin de découvrir la vie incroyable de Boubacar Traoré, le Chuck Berry malien. Figure de l'indépendance de son pays, il émerge dans les années 60. Mais en absence de droits d'auteur, pauvre, il doit travailler. Le régime changeant, il disparaît complètement des ondes. On le croit alors mort. L'amour de sa vie, Pierrette, meurt en couche de son sixième enfant en 1987. Il quitte le Mali pour aller travailler dans la construction en France pour subvenir aux besoins de sa famille. Il joue épisodiquement dans les foyers de travailleurs immigrés. À l'instar de Sixto Rodriguez, un producteur tombe sur Mariama, l'un de ses rares enregistrements. Il le recherche et le trouve. Sa carrière peut alors commencer. Christian Mousset, directeur du festival Musique Métisse d'Angoulême, va produire son disque interprété en kasonké, Congomani, qui signifie « la fin, ce n'est pas bon », et dans lequel il chante la perte d'être cher et la difficulté de vivre. Sa vie va d'ailleurs être le sujet du film de Jacques Sarrazin en 2005, « Je chanterai pour toi ». Et oui, dans cette émission, il n'y a pas que des synthés analogiques et leurs filtres VCO. Nous allons faire le focus sur un clavier à soufflet, l'accordéon. Dans le morceau que nous allons écouter, cet instrument accompagne tantôt à merveille la voix de ce bluesman, tantôt il nous emporte à travers le Sahel. Voici Kanou de Boubacar Traoré, issu de son album Congomani. Thank you. warie de nini bana nenge sanye de nini bana jarabi kana ke nunya daraminye jarabi kana ke nunya daraminye kanga ke nyogose edunya daraminye e kanga ke nyogose edunya daraminye. Pour ce morceau, nous prenons la direction du Pakistan pour découvrir la musique soufie et le maître du qawwali, Nusrat Fateh Ali Khan. Issu d'une longue lignée de 7 siècles de musiciens, le père de Nusrat ne croyait pas en la voix de son fils, qu'il destinait plutôt à une carrière de médecin ou d'ingénieur. Mais Nusrat, s'accrochant à son rêve, voulait quant à lui perpétuer la tradition familiale. Son père décède en 1964. Nusrat a alors 16 ans. Son oncle poursuivra son éducation musicale et surtout spirituelle, car le soufi est empreint de dévotion. Le qawwali est la musique de la parole. Pour le plus souvent, les musiciens sont assis sur le sol, en tailleur, et explore de longs morceaux dont la mélodie principale est jouée à l'harmonium, un clavier dont on actionne un soufflet de façon manuelle. Le maître de cérémonie, accompagné de claquements de mains et de tablas, décline un raga, amenant ainsi l'auditeur à une transe mystique. Dans les années 80, il est introduit dans la communauté indo-pakistanaise d'Angleterre. Il se lie d'amitié dans les années 90 à Peter Gabriel, ex-chanteur de Genesis et fondateur du label Real World, dont il produira 7 de ses albums. Nous écoutons Must Must, sorti en 1992. Mera veer de hai dam dam ali ali mera veer de hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मेरा वीरद है दम दम अली अली मेरा वीरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त दूल्हे लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम Nous allons maintenant découvrir le rock psychédélique turc et son plus grand représentant, Barış Manço. Très prolifique, ce compositeur détient à son actif plus de 200 chansons et a obtenu 12 disques d'or et un de platine. Ce musicien, originaire d'Istanbul, étudie les beaux-arts à Liège, en Belgique. Il vivra tantôt en Turquie, tantôt en Belgique. Un numéro de striptease lui est d'ailleurs consacré. Il n'y aurait pas aujourd'hui de groupe tel que Babazula en Turquie si Barış Manço n'avait pas existé. Son influence est indéniable. En 1981, il publie son quatrième album sur lequel figure sa chanson la plus emblématique de son style space rock. Alors pour toi, mon poteau, Yvan, mon ami des vendanges et mon ami de cœur en fait, nous écoutons pour toi Donenche de Paris Manchot. Simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum. Gecenin koynundayım yapayalnız uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor biliyorum dönence kupkuru bir ağacı Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Görüyorum. Dönence. Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzaklarda. Thank you. gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doluyor. Melence. Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Dönünce. Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzaklarda Synthé, synthé, l'émission qui vous fait voyager sans jamais quitter votre quartier. Votre quartier. Merel Fonkhauser est née le 23 décembre 1943 dans le Kentucky, à Louisville. Chanteur, auteur, compositeur et guitariste, il fait ses armes en Californie, dans de nombreux groupes de surf musique qu'il crée. The Impacts, HMS Bounty, Mu et le groupe fictif Fapardocli. Suite à de nombreux déboires avec ses maisons de disques qui détournent ses droits d'auteur, il décide de fonder une communauté mystique et végétarienne sur l'île hawaïenne de Maui avec Jeff Cotton, guitariste du Magic Band du Pet Captain Beefheart, dans une ancienne plantation de bananes où il va créer son studio. Le disque de Mu est un magnifique album et je ne peux que vous le recommander. Il est magnifique pour regarder l'océan ou tout simplement s'évader. En solo, il sort le Maui Album en 1976 sur lequel figure Calling from a Star. Thank you. 5 de Dio dans l'émission Synthé, Synthé. Et nous voyageons cette fois-ci en Jamaïque pour découvrir le claviériste Augustus Pablo. De son vrai nom, Horace Wabi, il naît en 1954 à Saint-Andrew. À 15 ans, il se présente chez le disquaire Aquarius Records, armé de son Melodica, un clavier au bout duquel se trouve un simple tuyau dans lequel on souffle. Cet instrument sera quelques années plus tard la signature sonore de Gorillaz. Herman Chin Loy produit dès le lendemain son premier single, Iggy Iggy. La production d'Augustus sera extrêmement prolifique. De plus, il produira à son compte de nombreux talents jamaïcains. Un disque, en fait une compilation, vous permettra de rentrer dans son univers, Original Rockers. Up Warrika Hill, que nous sommes en train d'écouter, sortira en 1974. Et maintenant, focus sur un claviériste hors pair, tant il a joué avec les plus grands, Pharoah Sanders, Gatto Barbieri et Miles Davis. Je parle bien évidemment de Lonnie Liston Smith. Il décline le jazz à merveille. Jazz funk, jazz fusion, jazz modal ou smooth jazz. Pour les quinquas fans de SF, on a même l'impression en l'écoutant de regarder un épisode du Capitaine Flamme, tellement sa musique est un voyage dans l'espace. En 1973, il fonde avec son frère le groupe Cosmic Echoes. Il sort chez Flying Dutchman l'album Astral Traveling, dont voici le titre éponyme. Alors, laissez-vous emporter par le son du Fender Rhodes de Lonnie Liston Smith. Thank you. Et nous terminons la playlist du jour par mon coup de cœur. Un groupe de krautrock allemand qui a accompagné mes soirées, mes nuits, mais surtout tous les films de Werner Herzog. Le groupe Popol Vuh. J'ai découvert ce groupe en visionnant Aguirre ou La colère de Dieu. La première scène du film est une pure merveille. Un groupe d'hommes, de conquistadors et d'indigènes descendent le long d'un chemin sinueux à travers le brouillard. Un chariot tombe, le tout magnifié par la musique tripante de Popol Vuh. Parce qu'il est dimanche et qu'il va falloir pour certains reprendre le taf demain, je vous laisse quelques instants planer en 1972, avant que l'on se retrouve pour la chronique de l'artiste et de la sortie du mois. Nous écoutons Popol Vuh, Aguirre 1. Thank you. Synthé, synthé, l'émission qui vous fait voyager sans jamais quitter votre quartier. Votre quartier. Valhurst est une artiste stéphanoise particulière, singulière, dirons-nous. Elle ne fait aucun concert. Les quelques fois où elle en a fait, cela n'a pas été pour elle une expérience des plus agréables. Elle préfère s'enfermer chez elle et accumuler ses expérimentations qui aboutissent toujours à des EP, véritables photographies de ses instants de vie. Son bandcamp est pour le moins des plus luxuriants. 35 enregistrements à son actif. Une caverne dans laquelle, à force d'écoute, de recherche, de curiosité et dans le cas présent de patience, on finit forcément par trouver ce qui peut nous toucher, la vérité de l'instant. Alors certes, comme elle aime à le dire, elle ne fait pas une musique des plus joyeuses. Bien au contraire, elle qualifie sa musique de spleen wave et ne touche que très peu de monde. Mais c'est ce qu'elle vise et ça lui convient. Elle désire plus que tout faire par elle-même afin de garder le contrôle artistique. Le do-it-yourself cher à Décide Barrett, Daniel Johnson ou Ariel Pink, tous ces otaku férus d'expérimentation et de création musicale. C'est ce que permettait MySpace hier et Bandcamp aujourd'hui. Valhurst fait partie de cette catégorie-là. Elle fait d'ailleurs partie, tout comme moi, d'un collectif de musiciens We Are the 28th, créé par Raymond DeWard, qui sort sur Bandcamp le 28 de chaque mois une compilation. Alors, allez jeter une oreille. Non, les deux. Parce que la stéréo, c'est tout de même pas si mal. Et pour rester dans l'ambiance de cette émission et de la playlist du jour, j'ai choisi son morceau intitulé Gaza. Il a été accusé de crimes contre l'humanité par de nombreux pays. Vous qui subissez depuis tant d'années la haine de vos voisins, enfants, femmes et hommes démunis, sur vous et en vous, on en voit tant de violence. Vous qui êtes comme nous, nous qui sommes comme vous, des êtres humains. Ce génocide est une catastrophe pour l'humanité. Ils vivent dans l'horreur et les bombes. Ils ont faim, froid et mal. Ils pleurent leurs semblables et prient pour leur vie. Nous regardons cela derrière nos écrans et nous nous sentons impuissants. Nous tentons à notre façon de les aider et soutenir. Manifestation contre la guerre, envoi de dons humanitaires, certains se rendent sur place pour apporter leur protection, pour les secourir. Cela fait plus d'un an que persiste cette horreur et nous le savons. Tant d'autres peuples ont subi et subissent des massacres. Rwandais, Congolais, Arméniens, Herero et Nama, la Shoah. Ne les oublions pas. Que faites-vous au-dessus de nos têtes? Avez-vous seulement une conscience? Nous ne pouvons pas accepter l'horreur de ces atrocités. Nous ne tolérons plus l'insupportable. Nous nous révoltons pour que votre abus de pouvoir et vos richesses disparaissent. Pour que vos armes et vos hommes cessent leur destruction. Pour que vos esprits malfaisants soient anéantis. Nous nous révoltons pour qu'enfin ce monde abolisse la guerre. Que tous les peuples se réunissent pour vaincre votre soif de terreur. Que cette planète survive à vos caprices de puissance. Pour terrasser vos ignobles desseins à tout jamais. Thank you. Comme promis dans ma dernière émission, j'y suis arrivé, mes blés. Pour la rubrique La sortie du mois, j'ai enfin quitté ma zone de confort, à savoir mon quartier du Crédroc, pour aller faire un tour du côté de Bellevue, à côté du lycée Honoré d'Urfé et des anciens locaux d'Ursa Minor, pour découvrir un lieu incroyable, le Green House, au 11 rue de Les Galeries. Cet atelier propose tout au long de l'année des expositions sur rendez-vous, entre 5 et 6 par an. L'arrivée sur le site Mosser est juste psychédélique. La carcasse d'une vieille voiture recouverte de végétation. Une grande cheminée d'usine. Green House en néon vert. Pas de doute possible, c'est un lieu bien alternatif comme on les aime. J'étais invité par les étudiants de l'École des Beaux-Arts et de Design d'Annecy pour le vernissage de leur expo. Accueil très convivial. Prise en charge par les élèves. Visite guidée des travaux et œuvres. Démarche éco-responsable. Signalétique et assises éphémères, briques de papier recyclé, récupération de laine et tissage d'objets du quotidien, céramique. Ces étudiants réussissent à me réconcilier avec le design. Il redevient, grâce à eux, intelligent, utile et surtout responsable. Point d'orgue du vernissage, ils se mettent à installer tables, bancs, assiettes, couverts, pains. Et tout le monde se retrouve et se réchauffe autour d'un bon pot-au-feu. Emmanuel Legrand, maître des lieux, ouvre même quelques bouteilles de son propre vin. Une hospitalité hors pair. L'humanité, à cet instant, loin du Venezuela et du fou orange, reprend alors toute sa beauté, son sens et son espoir. Bref, un moment de magie et de poésie pure. Je garde précieusement cette adresse dans un coin de ma tête et j'y retournerai avec grand plaisir. Et enfin, pour clore cette émission, info au concert. Le vendredi 27 février, à la CAL, l'amicale laïque du Crédroc, vous pourrez voir Berthe et le Barbu, groupe lyonnais de chansons françaises, et votre humble serviteur, Chris Sorcier, dans le style crotrock de cette émission. La soirée commencera vers 19h30, 20h. En tout cas, on commencera avec un vernissage. Vernissage de l'expo en pointillé de notre camarade Philippe Gonnet, qui nous a quittés le 22 décembre. En son honneur, nous préparerons même quelques mini filets aux fiches, parce qu'il en raffolait. Alors vous n'avez plus d'excuses, venez. Et pour l'instant, restez sur les ondes du 895 de Dio. Prenez soin de vous et rendez-vous le 8 mars à 20h30 pour une nouvelle émission de Synthé, Synthé. No added sulfide, blow past the bullseye. Straight through the triple vowel, ripple clouds, listen now. Just about time we get the soundbite edition now. If it's allowed, if not, get a lawyer. Wake up and taste the gloves, Oscar de la Hoya. Fire, fuego, prego, hasta luego. Don't like it, you can play with your Legos or Play-Doh. Meanwhile, I'm counting up the pesos and spend time mastering the fascinating stage shows. Today, you're procrastinating lame-os. Watch how I change.